Divers pays du monde rapportent du 12 au 16 courant les nouvelles des activités révolutionnaires des dirigeants suprêmes Kim Jong-un. L'agence de presse russe TASS, le journal Tagonbaon et la télévision satellitaire finiste de Hong Kong, le réseau radio international de Chine, l'agence de presse laotienne, l'agence de presse Gyodo du Japon, la revue d'internet Nepal Today et les homepages internet du comité national d'études de Kim Il-sung et Kim Jong-un du Nigérien, du comité national d'études des états juchés du Congo démocratique et du forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des Inspections, ont fait part de son inspection de l'usine de kimchi du Gyeong. Le journal sénégalais Vox Populi a rapporté avec cette nouvelle son inspection de la nouvelle fabrique des serviettes de Pyongyang, du processus de fabrication de couvertures et du pensionnat pour ouvrières nouvellement aménagé à la filature Kim Jong-suk de Pyongyang. Les mass-médias ont inséré les photos du dirigeant suprême Kim Jong-un.